ta voix, je me perds encore. Chaque souffle m'ouvre des corps. Ton regard brûle, mes lèvres tremblent. Chaque note en fièvre et nous rassemble. Raider Skill murmure à l'oreille. Sa voix grave fait plier l'éveil. Nos deux souffles s'enlacent dans l'air. Chaque mot devient incendiaire. Feel my body, feel my flame. Devient une danse. Ta chaleur glisse contre ma peau. Chaque mot est déjà trop beau. Ride a skill m'enchaîne de sa flamme. Sa voix grave s'imprime dans mon âme. Nos deux voix vivent dans la chair. Chaque note est une claire. Nos voix éclatent, nos corps s'embrassent. Chaque battement déchiré en lasse. Sous la baisse, nos souffles s'élèvent. Chaque désir devient une grève. Feel my body, feel my flame. Whisper closer, say my name. Nos corps s'élèvent. Chaque vibra chaud devient sève. Sous les néons, nos âmes s'unissent. Un feu secret qui persiste. Appelle plus fort. Ride a skill brûle dans vos mémoires. Un chant de désir, un chant d'histoire. Ride a skill.